n'est pas à vous qui connaissez bien son travail que j'apprendrai que la tâche à laquelle s'est attelé François Julien, c'est de relancer la philosophie en l'interrogeant depuis ce dehors, ou cet ailleurs, qu'est la Chine. Et ce faisant, de tracer des chemins différents vers une pensée de l'altérité et vers une construction d'un commun dégagé de toute la gangue. Et ça, il y tient de ce qu'il appelle au fond un universalisme paresseux. Universalisme paresseux, c'est-à-dire un universalisme qui, dans sa paresse, a oublié de penser les conditions d'une possible pensée d'universel. Ce n'est pas à vous que je dirais que ce chemin passe par la pénétration de chaque culture, la chinoise et la nôtre, héritière des Grecs, afin d'en révéler les impensés, ou plutôt de mettre en lumière ce qui, dans chaque culture chinoise et occidentale, n'a pas été pensé, ou plutôt encore ce qui, bien qu'entrevu, n'a pas été retenu par leurs pensées respectives. Car l'impensé qu'étudie François Julien n'est pas celui auquel s'est intéressée la critique marxiste ou psychanalytique des années 60-70. Cet impensé qui avait pour cause l'aliénation de la conscience ou le refoulement de l'inconscient. Alors, pour conduire cette relance, pour tracer ces chemins, il faut, nous dit François Julien, penser, ou se penser, ce qui est encore plus difficile, au dehors. C'est un exercice exigeant qui oblige à rompre avec les notions du même, de l'identique, du différent, pour favoriser, et vous reconnaîtrez son vocabulaire, je dirais même ses concepts, celle de l'écart, du dialogue, terme dans lequel François Julien relève l'importance du préfixe, hein, le dia, on parle souvent, qui marque tout à la fois la distance, la bonne distance et l'écart. Se penser ou penser au dehors, là est la difficulté. Et je voudrais terminer par deux apologues qui le montrent à mes yeux. Archimède, lisons-nous chez Plutarque, écrivit à Hiéron, roi de Syracuse, son parent et ami, qu'une force donnée permettrait de déplacer n'importe quelle charge. Alors, il faut vous rappeler, évidemment, qu'il venait de découvrir qu'il n'existait pas de poids qu'on ne puisse soulever au moyen d'un levier. Il fallait seulement que le bras auquel s'appliquait la force fût suffisamment long. On dit, rapporte Plutarque, qu'exalté par sa découverte, il déclara que s'il avait une autre terre à sa disposition, il pourrait soulever celle-ci une fois passé sur l'autre. Toute l'entreprise, théoriquement réalisable, bien que évidemment techniquement irréalisable, dépendait donc de la possibilité de trouver pour son levier un point d'appui hors de notre monde. Ainsi, et vous le voyez et vous le comprenez, à la difficulté technique posée par la longueur du bras s'ajoutait celle spéculative de l'existence de ce hors, de ce dehors, de cet ailleurs. Car le soulèvement de la Terre, possible selon les seules lois de la mécanique, bien que, comme je vous l'ai dit, pratiquement impossible du fait de l'énormité de la masse de notre globe, était pour Archimède, auquel l'exaltation n'avait pas fait oublier les lois de la physique, subordonné à l'existence d'un lieu extérieur à la masse à soulever. C'est-à-dire, puisque cette masse était celle de notre planète Terre, d'une autre Terre, d'un ailleurs de la Terre, d'une Terre dans un rapport d'extériorité. Alors, de cette histoire, et ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt terminé, la légende n'a retenu que cette phrase constamment reprise avec quelques insignifiantes variantes, vous la connaissez tous, « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre ». Ce qui s'est perdu dans cette simplification du propos, c'est la question du lieu où poser le levier, une autre terre. Le point dont rêvait Archimède est devenu petit à petit un point intérieur, témoin Descartes qui, dans ses méditations métaphysiques, l'utilise métaphoriquement pour désigner le point stable duquel il ne pourrait douter. Je le cite, « Archimède, pour tirer le globe terrestre de sa place et le transporter en un autre lieu, ne demandait rien qu'un point qui fût fixe et assuré, fixe et assurée. Ainsi, j'aurai droit, c'est Descartes qui parle, de concevoir de hautes espérances si je suis assez heureux pour trouver seulement une chose qui soit certaine, indubitable. Vous voyez donc, il s'agit, tout d'un coup, non plus d'un point extérieur, mais d'un point pour stabiliser et non pour déstabiliser. Alors, sautons les siècles, je vous dis, j'en arrive à ma conclusion, pour arriver à Jules Verne. Afin d'explorer les mines de charbon situées sous la banquise, les membres du Gun Club décident de les faire émerger grâce au redressement de l'axe de la Terre. Se pose alors un problème. Comment opérer? La solution mécanique la plus simple, évidemment tout ceci doit s'entendre comme une grano salis, serait celle du levier. Mais à cette solution, il manque l'essentiel, le fameux point extérieur à partir duquel faire basculer la Terre. Reste alors à opérer du dedans. L'idée qui se présente à ces intrépides ingénieurs est celle d'un gigantesque canon dont le recul exercerait sur notre planète une force telle que son axe changerait d'angle par rapport au plan de l'écliptique. Inutile de dire que l'opération échoua en raison d'une grave erreur de calcul. Le fût du canon était trop court, par voie de conséquence, le recul trop faible. Eh bien, pour conclure, entendons ce que nous disent ces deux histoires. Mettons-nous à leur écoute, car ce qu'elles disent est une leçon pour qui entreprend d'ébranler le socle de certitude sur lequel est installée notre pensée. Comment s'y prendre? Du dedans ou du dehors? Du dedans, c'est ce qu'a fait la déconstruction. Mais conduite du dedans, toute déconstruction risque de se perdre dans l'infini du commentaire et de voir sa tentative d'ébranlement tourner court. Il lui manque le recul, comme au canon sur lequel reposaient les espoirs des membres du Gun Club. Du dehors. Sortir de notre corpus, sortir de notre corps d'évidence, réaliser dans le champ philosophique le rêve avorté d'Archimède. C'est ce que fait François Julien. Il lui a fallu pour cela passer sur une planète extérieure à la nôtre, non pour y installer un autre bloc de certitude, et j'y insiste, non pour y installer un autre bloc de certitude, mais pour y trouver une prise pour lever les nôtres. Ce qui caractérise et qualifie un geste philosophique qui tranche, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, c'est qu'il ouvre un espace de pensée nouveau, inédit, qu'il est doté d'une force propulsive propre, qui le destine à être relayé par ceux qui le perçoivent, et s'en saisissent. C'est le cas de celui de François Julien, aux travaux de qui ce colloque séminaire est consacré. Alors, il me reste, avant de passer la parole à Michel Diviorca, il me reste à remercier tous ceux qui ont rendu possible la tenue de ce colloque séminaire. Le Collège d'études mondiales de la Maison des sciences de l'homme, KEA Partenaise, Corporate Université, PSA Peugeot Citroën, et bien sûr tous ses participants, sans oublier ceux grâce à quels nous allons pouvoir trinquer ce soir avec du champagne, c'est-à-dire Laurent Perrier. Merci. Michel, debout.